Personne n'a de questions. Hein? Oui, beaucoup. Je vais te déterminer par rapport à l'âme, l'esprit, le corps. Mmh. Donc, parce que, d'ailleurs, parce que j'avais mon frère, bon, ça a été un peu plus dans mon esprit. J'ai un peu statué là-dessus, arrêté une fois. Mmh. Oui. L'âme, l'esprit et le corps. Oui. Si on observe les animaux, mmh. on observe les êtres humains, est-ce que le souffle de vie ou les animaux, mmh. oui, ont-ils l'âme, l'esprit et le corps, mmh. tel que les hommes aussi ont l'âme, l'esprit et le corps. Mmh. Quand on regarde, ils ont le corps, c'est mmh. nous avons le corps. Mmh. Quand on regarde, ils respirent, mmh. nous respirons aussi. Mmh. Oui, mais est-ce qu'ils ont ces deux autres entités mmh. Parce que nous savons que l'âme, c'est le réservoir, les passions et toutes ces choses-là. Mmh. Oui. Mais est-ce que eux aussi, ils ont cette partie-là, réservoir des passions et tout, ou tel que nous aussi, nous avons l'esprit et on nous enseigne, et tel que c'est écrit dans la parole du Seigneur, mmh. avec les autres d'autres, que lorsque l'homme meurt, l'esprit retourne directement à Dieu. Mmh. Alors, est-ce que directement aussi, eux, ils ont aussi cette troisième entité, mmh. et l'esprit aussi retourne directement à Dieu. Mmh. Je veux statuer. Quand tu as lu la Bible, tu as vu que la Bible dit quoi des animaux, par rapport aux animaux? Par rapport aux animaux, je sais, comme je disais, lorsque Daniel est arrivé, par exemple, à parler au roi de Nebuchadnezzar par rapport au songe. Mmh. Oui. Et la Bible fait comprendre que après, son cœur d'homme. Son cœur d'homme. Oui, a été changé. Mmh. Son cœur d'homme a été changé avec l'animal au point où il a fait 7 ans mmh. Dans la fosse, et vivant avec les animaux, pour mmh. voir. Et après, le peuple l'a réclamé. Son peuple l'a réclamé, revenant en lui. Mmh. Son peuple l'a réclamé après les 7 ans, au temps accompli. Mmh. Alors, j'aimerais vraiment, parce que dans les rapports aux animaux, on parle aussi dans l'éthique par rapport aux animaux impurs. Mmh. Oui, et on ne parle pas trop de l'esprit animal. Bon, mmh. je n'ai pas encore vu ce terme-là, de l'esprit animal. Mmh. Oui, donc j'aimerais vraiment statuer là-dessus. Mmh. Oui. Quand tu es un des anciens, tu lui poses la question. Ok. Ah, c'est la voix. J'espère ancien. Ancien. Voilà, merci. On a du travail. Si vous avez des blagues, on a du travail. Oui. Tu as bien suivi sa question, non? Très, très bien. Il est un peu ambigu quant à la compréhension au niveau de l'esprit, l'âme, ce qui concerne les humains et ce qui concerne les... En tout cas, voici sa question. Nous avons corps, âme, esprit. Est-ce que les animaux ont les trois caractéristiques? Voilà, en résumé, voilà sa question. Voilà. Mm-hmm. Je répondrai tout de go que non, les animaux n'ont pas les trois parties. Ils ont quoi? Donc, ce qui est sûr, c'est que nous avons le corps. Nous voyons le corps. Oui. Nous voyons le sang. Nous avons le sang. Ils ont le sang. Mm-hmm. Il y a l'esprit. L'esprit, les animaux. L'esprit, entre l'esprit et l'âme, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Si tu dis n'importe quoi, tu prouves. Oui. Je voudrais prouver avec, je crois, nous avons lu le livre de Ecclésiaste. Mmh. Ecclésiaste. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9. C'est ça? Oui, chapitre 9. À partir du verset, je crois qu'on va prendre à partir du verset 2. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur. Pendant leur vie, après quoi, ils vont chez les morts. Mmh. Car qui est accepté, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais

t'adorer. Pour t'adorer, Seigneur. Seigneur, pour te louer, pour te louer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, rejeton de David, l'agneau immolé, lion de Judas. Béni Père, il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être là avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être là avec nous. Sa fidélité durera sa toujours. Fidélité. Tonight. je t'aimerai. Je t'aimerai toute ma vie. Toute ma vie. Je t'aimerai jusqu'à la mort. Je t'aimerai. Je te suivrai.